Dans la plaine, il y a deux villes. Leurs noms Sodome et Gomorre. On y aime la vie facile et chacun s'y déshonore. On y danse, on se prélasse dans les jardins et les temples. Et Dieu qui n'y a plus sa place, depuis le ciel est contemple. Sodome et Gomorre, je n'ai plus de remords à vous donner la mort. Sodome et Gomorre, vous allez trépasser dans le soufre enflammé. Sodome et Gomorre. Abraham pleure et supplie, car là-bas vit son neveu. Lui déteste les orgies et mérite d'être heureux. Alors Dieu nous envoie des anges prévenir Lot et les siens, et par ce message étrange fait basculer leur destin. Sodome et Gomorre, je vais brûler vos trésors et régler votre sort. Bien avant l'aurore, tu dois fuir le brasier sans jamais te retourner. Voilà que la terre bouge, le ciel se teinte de rouge. Des nuages tombent, des flammes, voici venu le temps des larmes. Lot entraîne sa famille, son épouse et ses deux filles. Bientôt ils seront sauvés, surtout pas se retourner. Sodome et Gomorre, je n'ai plus de remords à vous donner la mort. Sodome et Gomorre, vous allez trépasser dans le soufre enflammé. Pour un dernier regard vers sa maison, la femme affolée tourne la tête. Quand soudain, changée en statue de sel et de poison, dans un éclair, sa vie s'arrête. Sodome et Gomorre, c'est la colère de Dieu qui maintenant vous dévore. Sodome se tord, Gomorre pleure et implore, tout s'écroule, s'évapore. Sodome et Gomorre, c'est la colère de Dieu qui maintenant vous dévore. Sodome et Gomorre, en ce jour de terreur, se rejoignent dans la mort. Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre.